soir de mai de courant d'air, dans les secrets du Vatican, François aussi à la fenêtre, il va marcher jusqu'à la mer, jusqu'aux poissons à la poussière. Tant le mystère ce soir les frères, et tombe avec le crépuscule tous les rêves flous de la jeunesse, tous les soleils de Buenos Aires. Je suis de San Lorenzo, et encore les cris d'allégresse de ma jeunesse me déchirent le cœur, me déchirent le cœur. La vie familière est froissée, la bicyclette de Dolores se crie au fond de ses yeux verts, tous ces tangos jamais dansés, et ce ballon qui rebondit, ces gens qui courent après la vie. Le silence pourpre se mélange au dernier rayon du couchant, au pas feutré, au couloir gris. Je suis de San Lorenzo, et encore les cris d'allégresse de ma jeunesse me déchirent le cœur. Je suis de San Lorenzo, et encore les cris d'allégresse de ma jeunesse me déchire le cœur, me déchire le cœur. Ce Dieu que tu cherches et espères, tu le trouvais dans le barrio, dans les yeux fous de Dolores et les clameurs des Blaugrana, l'Avenida de la Plata. Qui es-tu, Georges Bergoglio? Il ne lui reste que la prière, et dans cette obscurité neutre, François, je nous prie pour nous. François, je nous prie pour nous.